Accoudé à ma fenêtre, je vois la tristesse de ce monde. Un silence brisé par des rires de gauche et le sourire une dizaine de secondes. Y'a plus que l'alcool pour m'empêcher de broyer du noir. Je m'enfile des grammes chaque soir, je regarde mes cernes dans le miroir. Allez-y, aimez la vie, moi j'ai mon avis, j'ai décidé d'abandonner. Ne croyez pas que j'en ai envie. À être heureux, j'en suis devenu triste. J'ai peur pour eux, mes fils, de rester naïf autant que possible. La maladie au second plan, entouré de malades, j'dis qu'on a plus de risques à crever dans un bain de sang. Balance du bon son, je te trouverai un thème. Je m'évade dans cette passion pour que mon existence soit moins terne. Au bord du gouffre, pousse-moi, faudra bien y mettre un terme. De façon, ça tourne pas rond sur cette putain de terre. Méfiant, je crains de prendre un coup de couteau dans le dos. Les gens de confiance se comptent sur une seule main. Encore, j'ai quelques doigts en trop, jouant aux cartes sur table. Je suis effrayé par l'homme, je l'ai analysé depuis l'époque du cartable. Regard au loin, il y a rien qui me fait dépendre. Je les vois partir un par un, et en ce moment, c'est un parent. Je redoute l'instant où ce sera autour de mes parents. Fiston, profite bien de moi, papa ne vivra pas longtemps, c'est sûr. Comme ce foutu cœur et ses blessures et cette douleur qui dure pour prolonger plaisir. Faudrait que je passe au-dessus. Mes mots sont durs, trop de haine accumulée. Je t'ai fait pleurer, comment m'en excuser? J'en ai aucune idée. Encore un texte fou juste pour déprimer. Mais ce qu'il se passe autour de nous me pousse à m'exprimer ainsi. J'ai des défauts, je suis lunatique entre autres. Seul, je me tiens à l'écart des autres depuis que je suis misanthrope. SX te le dira mieux que moi. Je plains les hommes qu'on s'entend. Aime à Tom, on m'a fait naître, mais je n'étais pas consentant. À court d'idées, je tourne en rond comme dans un système solaire, je dis je t'aime, la langue écrasée par les molaires. Être heureux c'est tout un art, je préfère en avoir l'air. Toute ma vie j'ai l'impression d'avoir écrit sur ce thème. Si je fuis la réalité, si je m'évade souvent, c'est que sous le vent les promesses sont écrites sur des sables mouvants. Je crois que c'est linéaire, je crois que c'est depuis l'école. Je crois que je décolle et merde, je crois plutôt que je picole tout le temps. Prisonnier dans un corps qui ne suit plus le mouvement. Toujours en désaccord, mais la machine est loin du soulèvement. Ma vie c'est SM, mes rêves SF comme les romans. J'essaie d'être normal, mais c'est mort, ça ne dure qu'un bref moment. Les cheveux grisonnants, en perte de surface, je m'efface du monde. Je me dis que ça serait con de perdre la face maintenant. En oubliant le reste, j'ai de la veine. Et si je vérifiais ça en m'ouvrant, y aurait de la peine et beaucoup moins de souffrance. 35 bougies et encore un vœu de merde en les soufflant. Voici un niveau de pessimisme époustouflant. Au bord du gouffre, prêt à plonger à tort, en attendant qu'un souffle nous fasse arrêter d'enlonger les bords. Tout ce bordel s'amasse et les années défilent encore, en attendant que la maladie mette au défi mon corps. Ce sera court dans les temps impartis, je compte pas en estimer autant. Le tout c'est que le final dure pas longtemps. Les coups durs, tout le monde les endure, même si je me sens hors de tout. Je suis pas à l'abri de me passer la corde au cou. J'ai de l'assurance, mais je suis pas fort du tout, j'ai de l'endurance. Puis je perds de l'avance en perdant mon temps dans les détours. À court d'idées, je tourne en rond comme dans un système solaire, je dis je t'aime, la langue écrasée par les molaires. Être heureux c'est tout un art, je préfère en avoir l'air. Toute ma vie j'ai l'impression d'avoir écrit sur j'arrive j't'aime. Au mic, MC, instru hip-hop, c'était trop d'antan. Sans prétention, ça sera aussi bien peut-être que les merdes que t'entends. Balancer des inepties, normal il est grand temps. Les écoute pas trop longtemps, prends garde à la crise d'épilepsie. Rien à foutre, je suis libre de m'exprimer. Si ça te dérange, moi ça me démange, mais j'ai pas à m'expliquer. Je suis là, mais autour c'est sex freak. Et fuck le pouvoir, pris dans le piège, j'essaie de m'en extirper. Il y aura changement, au bord du gouffre, pas de chance si t'as qu'une vie, moi. Je recommence si je souffre à l'agonie. Balèze à suivre le mouvement, et doucement on nous baise. Vote pour qu'il soit à l'aise, mais continuons de vivre bêtement. On se plaint pas vraiment, tant qu'il y a pire que nous. Heureusement la télé nous comprend, écoute bien comment tu me dégoûtes. Un 16 trash qui commence et bien pourtant, ça crève de faim, mais l'important c'est qu'on soit bien portant. Crash, au final ça m'est égal en fait. Sache, foutre le bordel, mais bien avant que le ciel se fâche. Faut que le monde se réveille enfin, les politiques se cachent. Savent qu'on les laisse manger à leur faim. Mâche, pas trop tes mots, plutôt d'actionner. C'est nous le futur, mais c'est à nous qu'on demande rationner. Ego trip, ça fait plaisir comme d'être fraîchement bachelier. J'ai autant la tête sur les épaules que le chapelier, je lâche. Des phases en pagaille, sans fil conducteur. De façon on s'en tape grave, grâce, j'éclenche un feu de paille. On nous demande plus, sans faire beaucoup plus de mailles. Croque-moi la jugulaire, je viens de boire un litre de sky, patron. Je me sens exploité plus qu'utile. Dans ce pas monde inutile, j'ai glissé avant de frapper dans ce ballon. C'est ici dans mon salon que je rappe. Où nous allons, je zappe, plus je prends du galon, je râle. Les grammes me donnent raison.